s'il te plaît. Ah, c'est, ah moi c'est moi bon, c'est là, bon c'est, là, ça m'est transmis. J'entends même pas ta basse non plus. Attends, il y a un truc qui bug chez moi. J'entends pas ta basse. Ou tout s'ouvre en fait. J'entends un fond de basse, vraiment un fond. Comme si vraiment tout léger, hein, comme vraiment faut que je tende l'oreille, hein, mort. Hein. Toujours pareil. Ah là, c'est bon, ça y est. Non, j'entends ta base déjà, je t'entends pas encore au micro par contre. Je sais pas, je t'entends dans le haut-parleur de... Non, je t'entends pas dans le micro, par contre. Non plus. Là, oui, j'entends la basse, oui. Mais je t'entends pas toi dans le micro, dans la sonne. Non. J'entends ta basse, mais pas ta voix, dans le micro. J'entends bien ta basse. La basse. Ouais, la basse, ouais, j'entends bien. Mais pas ta voix. Non. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as débranché ton micro? T'as débranché ton micro? Tu m'entends là? Moi j'ai le signal dans ma carte son sur quoi je parle dans le micro. C'est bizarre sur les pieds, tu m'entends pas. Hein? Ouais, c'est bizarre. Bizarre, ça t'entend pas dans le micro. Et tu vois, quand tu dis ce que tu vois de piste? Non, je vois une piste. Comment ça s'affichait d'habitude chez toi? Non, mais normalement c'est comme ça, ça se passe. Alors je vais éteindre et je vais rallumer le truc. Thank you. Ton micro, j'entends pas. Je m'entends bien dans mon casque. Non, j'entends pas. T'as dit quoi? Je t'entends plus, Mika, là. Non, non, déjà, est-ce que tu entends mon micro là? Normalement, tu devrais l'entendre. Moi, je m'entends. Je m'entends maintenant dans mon casque, en stéréo. J'entends pas ta voix qui sort du système. J'entends ta voix dans le téléphone. Non, même pas à ta basse. Il y a un problème. Un gros problème. Mais t'as fait transmettre. T'as transmettre, il est en mer. Oui, je suis en mer. Attends, je vais essayer un autre truc. Je m'entends là. Mais est-ce que tu m'entends dans le micro? J'entends Seb de loin. Alors vous m'entendez pas alors? Putain. C'est bizarre quand même que tu m'entends pas. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux, tu m'as entendu? Allô? Allô? Mika, tu m'entends ou pas? Tu m'entends là? Tu m'entends dans le micro? Tu m'entends dans le micro? Est-ce que tu entends ma basse? Bon bah c'est cool, je vais pouvoir raccrocher. Super, merci. Bon bah ça marche. Par contre, moi, je vous entends pas. Hein. Hein? Allô, allô? Ouais, vous m'entendez? Tu m'entends? Moi, je t'entends. Tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Moi, je t'entends. Qui t'entend pas, pardon, excuse-moi. T'entends pas qui? T'entends pas qui? T'entends pas Ya? Dieu, tu m'entends? Qui? Un an. 1, 2, 1, 2. Oui. Ouais, je t'entends, Seb. Oui, tu m'entends? Je t'entends. Ouais, je t'entends, Seb. Oui. Ouais. Très bien. Tu m'entends? Oui. Allô, allô, tu m'entends? Bah oui, on a raccroché. Ouais. Ouais, je t'entends. Moi, je t'entends. Je t'entends, ouais. J'entends Mika maintenant. Tu m'entends? Ah voilà, cool. Luc vient d'arriver. Tu m'entends, moi? Eh, Dieu, tu m'entends? J'entends Mika de loin. Yes, Luc. Yes, ah, cool. Seb. Yes. J'ai l'impression que c'est décalé. On s'entend tous? On n'entend pas micro encore. On n'entend oui, pas vous Luc. M'entendez? Allô? Attends, ça va bien tout ça. Mais il arrive, Luc. Vous m'entendez? Il est en train de charger, là. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Putain. Tu m'entends ouais, ou pas? Je t'entends, Mika. Ouais. Moi, je t'entends. Ouais. Et toi? Tu m'entends? Quelqu'un m'entend allô. Ou pas? Ouais, je t'entends, Seb. Tu m'entends? Mais tu m'entends bien? Tu m'entends bien? Ok. Ok. Moi, je vais essayer la guitare, peut-être, pour voir. Mais je t'entends, Jérôme. Ouais, on t'entend bien, là. Allô, on t'entend. Ok, tu m'entends alors, tout le monde m'entend. Ouais. Tu m'entends? Emma, ouais, c'est la petite Eva. Super, je t'entends. Luc, tu m'entends? Luna, petite Eva. Tu fais un test de son là. Luc? Luna, petite Eva. Je suis au loin là. Moi je t'entends. Yeah.